avait affaire à foutre communiste, écologiste, fasciste, centriste d'un jour de vote. Citoyens de rien, vous sentez vos ventres grogner, vous avez faim comme tout le monde, vous avez envie de chier sur votre voisin, sur son chien, dans son jardin. Mais faites-le donc dans le vôtre, vos salades ne regardent pas les autres, elles pourrissent dans vos poches plastiques, emballées, c'est pesé, il y en a pour tout le monde, du phosphate, du fat food, ça vous laisse le temps de monter vos étagères en kit, de bricoler, de jardiner, made in China, vous pouvez en planter. Montez des fleurs à la gloire de ceux qui crèvent pour que votre vie soit moins chère. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce qui se passe chez eux? Chez vous déjà, vos yeux sont rivés à l'écran de l'abrutissement. Vos voyages enregistrables, aventures de misère. Violence passive, sans goût, sans odeur, sans douleur. Vous n'avez plus que votre pitié, juste bonheur. Vous pouvez encore avoir un sentiment.